qui monte le bus et qui traverse toute une ville pour aller de l'autre bout de la ville toute seule. Toute seule. Fizamen al-fitan. Fizamen al-fitan. Wa hada wallahi la yasluh. La yasluh. Wa ala hada fatwa na'am. Li shaykhina Yahya hafidhahullah. Na'am. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته